abracadabra. Ça me coûte un bras de payer ce truc-là, de payer ce machin-là, abracadabra. À ce prix-là, je préfère rester chez moi, je préfère rester chez moi, abracadabra, comme un tour de magie. T'as des thunes, t'as plus de thunes, t'as décroché la lune, abracadabra, comme on souffle sur une bougie, tout part en fumée. Oh yeah. Abracadabra, très peu pour moi, oui voilà, ça me suffira. Abracadabra, comme on saute à l'élastique, c'est magique, oh c'est magique. Abracadabra, comme une belle illusion, c'est pas cher, ouais c'est peu cher. Abracadabra, il ne fait pas attention au prix de ta télévision. Abracadabra, on nous prend pour des cons, un peu comme des petits moutons. Des petits moutons.